M'aimes-tu? Excuse-moi, là, mais tu parles une planche de bois. Je sais, mais c'est du bois franc. Oh! Oh, oh! Aujourd'hui, le lundi 20 février 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! C'est moi! J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Imagine un monde où les robots nous trouveraient beaux. Ils feraient l'amour avec nous et ils auraient des enfants de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la rien de plus. Tu m'as vu? Tu m'as vu? Tu m'as vu? Nu. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine la jungle de saucisses. Tous les arbres sont en saucisses. Les singes, les toucans, les papillons sont en saucisses. Des hamsters de 130 kilos. Des animaux moitié saucisses, moitié plastique. Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien? Je sais pas si j'ai dit le 5 février, ou le 5 janvier, ou le 5 novembre, ou le 5 octobre, ou le 18e siècle? Où sommes-nous? À quelle stratosphère accroche? Essayez-vous, vous, des fois, de vous accrocher? Est-ce qu'il faut essayer de s'accrocher ou se laisser aller? Ça dépend. Excuse-moi, là, j'interviens, monsieur Groslot. Non, Grenier. Grenier Saint-Michel Grenier. Et alias le grand Grenier qui grelotte en hiver. Non, c'est Rénal Grenier. Rénal Grenier. Êtes-vous certain? Non, on est certain de rien. Grenier, gagné, meunier, tu doules, ton monnaie va te louvrir, tu meunier, tu doules, ton moulin va te louvrir. C'est tout louvrir. C'est toujours faux, cette émission-là. On se demande tout le temps dans quelle direction va-t-on prendre le tournant. Allô? Hein? Allô? Allô? Allô? Allô? Féminin, masculin, qui n'a pas quelqu'un ou quelque chose qui lui manque? Hein? C'est beau de dire ça sans savoir que c'est beau. Ne pas savoir que c'est beau de dire ça, c'est ça qui est beau. C'est beau de dire ça sans savoir que c'est beau. Ne pas savoir que c'est beau de dire ça, c'est ça qui est beau. C'est beau de dire ça sans savoir que c'est beau. Ne pas savoir que c'est beau de dire ça, c'est ça qui est beau. Imagine, imagine, imagine, imagine, imagine des seins sans tétons. Imagine, imagine, imagine, imagine, imagine des doigts sans les ongles. Le point commun entre Sigmund Freud et Hugh Geffner. Ils étaient tous les deux obsédés sexuels. Mais Freud a révolutionné la pensée occidentale. Geffner la presse américaine, voire mondiale. Imagine, imagine, imagine, imagine, imagine ma voix. Imagine, imagine, imagine, imagine le Louvre sans la Joconde. Je n'aime pas penser que j'ai sept trous dans la tête. Sept. Je n'aime pas penser. Sept. Je n'aime pas penser. Sept. Je n'aime pas penser que j'ai sept trous dans la tête. Un pour la bouche, deux pour le nez, deux pour les oreilles et deux pour les yeux. Non. Tu t'es déjà masturbé en chiant? Oh my God! Tu t'es déjà masturbé en pleurant? Oh my God! L'écueil des marguerites. Quand lui se caresse la bite, c'est un classique, c'est un classique, c'est un classique de la littérature. Classique. Classique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Classique et indémodable. En dessous, qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds? Est-ce glissant? Est-ce une poudreuse sur le fond dur? Une poudreuse sur le fond, hein? Est-ce que c'est de la moelleuse? De la crémeuse? De la traditionnelle? On sait pas, on prend la courbe, on sait, oh mon doux, là, on tâtonne. On essaie de vérifier en tournant. C'est ça, hein? Tu tournes en tournant. Si tu tournes pas, tu peux pas tourner. Là. Il faut que ce soit un tournant pour tourner. C'est au moment précis où tu te sens partir que tu te dis « Oh non, qu'est-ce qui va se passer? » Là, il y a plein de choses en très peu de temps. Là, tu te réfères à tes connaissances, mon éducationnel. Moi, je suis allé à l'université, on m'a dit ne pas paniquer. Est-ce que je dois me dresser, me redresser, devenir mou, prendre le virage avec mon corps. Tu sais pas! On te l'a peut-être dit, là, puis t'étais en train de te décroter le nez à ce moment-là. Non, mais c'est vrai, il y a des cours qui sont pas très intéressants, à part si oh, j'en ai chopé un sublime, là. Hein, c'est le plus gros de... Oh là là là là là! Oh, oh, catégorie A, là! Hein? Monsieur le sieur, vous serez heureux d'apprendre que j'ai trouvé la plus grosse grenade de l'année qui se trouvait dans mon nez. Vous êtes blond. Blond, blond, blond. Parce que je suis blond, je suis bon en natation. Parce que je suis blond, je tutoie les condés. Parce que je suis blond, je passe à la télé. Parce que je suis blond, je n'ai jamais été contrôlé. Parce que je suis blond, je n'ai jamais montré mes papiers. Parce que je suis blond, on se méfie pas de moi. Après un attentat, les mamies se collent à moi après un attentat. Parce que je suis blond. Salut. Parce que je suis blond. Salut. Parce que je suis blond. Salut. Blond. Vous êtes blond. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui encore, des Noirs américains venus de Louisiane portent votre nom de famille. Et les ports de Nantes et de Bordeaux, ça vous dit quelque chose, monsieur le blond? Si je ne t'appelle pas mon frère, c'est parce que tu n'es pas mon vrai frère. Ouais, je sais, c'est un peu con, frère. C'est parce que je suis blond, frère. Parce que je suis blond. Vous êtes blond. Je suis Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. J'ai pris l'apparence de Philippe Catherine. Philippe Catherine, Philippe Catherine. Je suis venu vous observer, vous, les humains, pour mieux m'introduire parmi vous. Allez, on est à la télé. Non, la télé, la télé, la télé, la télé. Non, mais tu sais pas ce qui va se passer avant d'y arriver. Ou tu peux aller consulter. Deux personnes. La première, c'est « Ah, je vois, je vois, je vois l'autre. » Parlez-moi de votre enfance. De vos troubles intérieurs. Dites-moi ce qui se passe. Je traduirai. Moi, j'écoutais, là, j'ai toute la gamme, j'ai tout le chiffrier, j'ai aucun problème là-dessus. C'est vous le problème. Racontez-moi votre vie depuis le début. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé là, dans le fêteux, là, à l'intérieur du ventre de votre maman, je ne sais pas si vous êtes né dans le ventre de votre maman ou de votre papa. Aujourd'hui, en 2018, on peut venir au monde dans n'importe quelle bédaine du monde entier. Là, une bédaine de bière, une bédaine de vin, une bédaine de champagne. Moi, je vous conseille la bédaine. Excusez-moi, j'allais vous tutoyer. Je préfère la bédaine de champagne. Ben, tant qu'à péter de la boue, pétons, c'est si beau le pain. Bon, l'accordéon, allons-y. Et puis, mais il y a l'autre, hein, je vais voir, j'ai ma boule, le futur, le présent, oh, vous voulez vous marier, le nom du mon Dieu Seigneur. Bonjour. Viens là que je te bise, bien sûr on fait un selfie. Chez vous on fait deux bises, chez nous c'est à l'infini. Il est Mimi le petit, on dirait son papy. Ah il est décédé. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré. Répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. Répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. vous deviendrez fou. Répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou, vous deviendrez fou. Fou comme une paire de Ray-Ban à la fin de l'hiver. Vous deviendrez fou, fou comme le cheval qui perd son écuyère. Vous deviendrez fou, fou comme des gens qui s'entassent dans des bagnoles. Vous deviendrez fou au milieu d'autres gens dans des bagnoles. Vous deviendrez fou. C'est des zinzins qui nous gouvernent, on le sait depuis les cavernes. Si c'était moi à l'Elysée, je demanderais qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on me materne, qu'on me materne, qu'on me materne, qu'on me materne. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière? Une bonne bière? Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière? Une bonne bière. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière? Une bonne bière. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière? Une bonne bière. Comme tous les garçons et les filles de mon âge, on aime nos poisons, nos prisons. Comme tous les garçons et les filles de mon âge, on aime des chansons sans passion. Nous c'était la bof génération. Bof génération. On s'en foutait d'avoir raison. On voulait juste être là sans savoir pourquoi. Pourquoi? Je suis pas contre l'idée d'avoir tort. Je me suis pas demandé mon avis. Répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou, répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou, vous deviendrez fou, répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou, vous deviendrez fou, répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou, vous deviendrez fou, répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou, vous deviendrez fou, répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou, vous deviendrez fou. Je veux bien t'effleurer. Tu veux bien m'effleurer? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Un piédestal. Piédestal, piédestal, piédestal, que c'est un piédestal, un piédestal. C'est ça, puis le pied qui est, hein, bon, ça, il est monté sur, montait en haut. Les Olympiques, moi je conseille les Olympiques, encore une connerie, les Olympiques. Hey, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi. Eh hey, ben oui, meilleur que l'autre. Monter sur l'autre pour gagner. Hey, oh non, hey. Faites-moi un test de pipi-sommeil, de pipi-d'urino-laryngologiste. Faites-moi le oui, faites-moi le mouton. Et monsieur, ouais, là, c'est une preuve. Pas normal, ce gars-là, là. Arrêtez-moi ça, là. Placez-moi là, ça sur haute surveillance. Ça peut nuire à une société québécoise, cette affaire-là, là. Wow! Hop, hop, hop, hop, hop, hop. J'espère que ça va nuire à une société québécoise. J'espère que ça va remettre en question les gens de la droite. C'est ce qui m'intéresse, là. Surtout dans le... Quand tu te... Hein? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, mon Renal? Veux-tu t'expliquer? Ben, je m'explique tout le temps, moi. Le commissariat, samedi dernier, là. Samedi dernier, pas ce samedi. Dernier. Pas premier, dernier. Moi, je veux être toujours le dernier. Moi. C'est pour ça que samedi dernier, je vous dis, raconterai jamais ce qui s'est passé, ce qui va se passer le samedi premier, moi. Le premier, ça veut je veux rien savoir, moi. Moi, samedi dernier, excusez. J'ai eu comme un petit. Samedi dernier. Bien, je déambulais comme on peut déambuler. Là. Je suis un citoyen, moi, là. Mais en fait, j'espère, là. Je suis un restant citoyen, mais en fait, je suis une loque. Je suis quelqu'un qui peut... je perds mes membres, mais je les ramène. J'ai mon sac à dos, là, c'est des membres qui se détachent de mon corps. Ah ouais, moi, je marche, puis hop, hop, hop, je me rends compte que l'œil est tombé. Mais je ne place même plus, là. Je mets ça dans le sac à dos. Après ça, ben on installe, on réinstalle, ou on modifie, on vérifie pourquoi ça a tombé, puis on essaye que ça se reproduise plus, mais ça ne fonctionne jamais, ça. Ça se reproduit tout le temps. Et combien de fois j'ai perdu mon bras d'honneur? Ah, mon doux! Le déshonneur de perdre un bras d'honneur, hein? Tu te prépares fièrement à le faire, là, puis hop! Pouf, c'est ton bazar, mets ça dans le sac à dos. Bon, au moins il m'en reste un. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Mon amour, j'ai fait un rêve affreux qui m'a rendu malheureux. Mon amour, t'étais allé voir ailleurs si j'y étais. Ben j'y étais pas, je regardais YouPorn. Alors que je surfais, toi tu couchais avec le jeune Ludwig van Beethoven. Je regardais un gangbang à Stockholm quand il te fit. Je m'appelle les Chimels à Kingston, comme les trois nonnes, comme les trois nonnes. Devant trois nonnes en gote ceinture, trois moines attendent à quatre pattes. Leurs visages sont écarlates, ils pensent à Ponce Pilate. Ils pensent qu'ils ressusciteront pour ce qu'ils endurent. Ils ne le pensent pas, ils en sont sûrs. T'étais allé voir ailleurs si j'y étais. Ben j'y étais pas, je regardais YouPorn. Où je t'ai vu à Vienne en 1800. Et puis je me suis réveillé brusquement. Ludwig. Un rêve affreux, Ludwig. Mon amour. Ludwig. Un rêve affreux, Ludwig. Mon amour. Ludwig. Un rêve affreux, Ludwig. Allô? Un point noir sur une feuille blanche. Tu regardes le point noir, le blanc qu'il y a autour. Le point noir ou le blanc qu'il y a autour? Tu flippes, Philippe? Philippe? Puis moi, ça me dérange pas, je peux faire mon émission sans bras, hein? Bon, ouais, ben j'ai comme un pied hydraulique. Hydraulique, pas vraiment hydraulique, là, mais il y a des ressorts. Excusez-moi, ouais, je sais. Je pense que les cordes vocales vont me sortir, ça va me mettre ça dans le sac à dos, OK? Attendez, écoutez, ben ça, c'est des ressorts, là. Mais ça s'entend bien mieux quand tu mets le micro dessus. Là. Attendez, moi, je vais placer le micro dessus. Micro dessus. Micro dessus. Oui, j'ai mis le micro dessus. Tu m'écoutes? Micro dessus. Tu m'écoutes dessus. Ah, voilà. Là, on peut faire des affaires, là. Oh, non, j'ai pas fait ça. Oui, j'ai pas fait ça. Bon. Là, on veut pas faire de quoi que. Laisse-moi. J'adore expérimenter devant vous, là. Mais je parlais de mes membres qui tombaient quand je marchais. Et puis, surtout l'hiver, ben l'été, c'est encore pire. Hein? La chaleur, ça tombe, ça décolle. Ce bois, je ne sais pas pourquoi, là, la colle ne tient pas sur moi. Ça n'a jamais tenu. Comment vous êtes faites, vous, madame, mademoiselle? Oui, vos cheveux, comment ça s'est collé? C'est dans les racines? Oh. La pointe disait que c'était dans les chansons. C'est pas dans les chansons, c'est dans les racines, hein? C'est dans les racines qu'on tient la... Oui. Oui. Vous avez un médecin qui vous transplante la... Oh, vous êtes né comme ça? C'est l'évolution là-dessus. Ben oui. Puis moi, comment... Ben oui, moi... Ben, on m'a dit que j'ai... Ouais, je suis né. Ben, je suis né et j'ai une feuille, là, une petite chiffonnée, jaunie, là. Plus ça fait longtemps, plus c'est jauni. Moi, je pensais parce que j'avais échappé du beurre. Hein? Moi, j'aime ça, le beurre. Tout le monde le sait, moi, la margarine, là, je le sais aux insignifiants. Moi, c'est le beurre. Quoi, je viens de vexer quelqu'un en disant que la margarine, c'est insignifiant, mais tant mieux. C'est comme le lait. Lait crémé, c'est pour les insignifiants, là. Pour être signifiant, il faut au moins 2%. 2 degrés de lait. Moi, je suis lait partout, moi. Moi, je suis 3,25. Mon visage est lait. Donc, je dis peut-être que c'est dans la crémeuse et crémeuse 35%. Champêtre. Moi, j'aime ça. Ah, champêtre. Moi, je veux être champêtre, moi. Comment on peut choisir être champêtre, madame? On choisit pas. On peut pas choisir. Bon. C'est un don de qui? Un don de... 10. Moi, j'ai... Mais écoute, tu peux te donner 2,5, là. J'ai 10 $, mais si je peux donner à deux pauvres, là, je serais bien heureux. Mais je pense pas les aider en donnant de l'argent, moi. Non, faut trouver... Exactement, faut trouver les moyens que ces gens-là s'en sortent. Faire pitié. Et, ouais, même, là, les gens sont là, mais écoute, bon, Seigneur... Qu'est-ce que c'est KRL? Pourquoi ça garde ça, c'est KRL? Ça garde cette affaire-là? Ben voyons donc! Qu'est-ce qui se passe? Moi, je te placerai même pas ça le lundi. Moi, même pas le jeudi, même pas le vendredi. Trouve une date. Trouve un nouveau terme là, pour une journée. Puis on va le placer de même. Bon, il va faire quoi? C'est diffusé. Il va être heureux. C'est un gars de même. Il est heureux d'être heureux. Il se regarde dans le miroir, puis le miroir est viré, puis il dit « Ah, Mordo! Je suis devenu un Dracula? Non, c'est qui? Non, les morts vivants? Bon, c'est ça, je me vois plus dans le miroir. C'est certain que ton miroir est viré! Pourquoi t'as viré ça? Tu veux pas wire? Non, ben, je veux pas wire. Ça sert à quoi de wire? Ça fait plusieurs années que je me weigh, là, puis je sais un peu comment ça fonctionne, cette affaire-là, là. Ouais, mais pour te peigner, c'est une blague, peigner. Tu te laves les cheveux, tu laisses ça de même. Hé, monsieur, t'appelles ça une touffe vivante? Ouais, mais au pire, ça décolle. Moi, je t'ai dit, j'ai un sac à dos. Des cheveux, j'en ai-tu des cheveux? Mets ça dans un sandwich, moi. Quand je prépare des sandwichs pour les autres, là, je mets des cheveux. C'est, le monde aime ça. C'est des fibres, là. Ils veulent manger fibres. Hey, imaginez-vous que la semaine dernière, je suis devant la rubrique, pas la rubrique, mais le rayon du pain. C'est compliqué de choisir ton pain aujourd'hui en 2018, là. Tu peux pas prendre le pain blanc, puis tu dois te poser des questions solennelles, là, des questions sérieuses, des questions de vie ou de mort. Combien de céréales? Rénal, combien de céréales? C'est pas réel, c'est rénal. Bon, on l'a fait celle-là, mais combien de céréales? Oh! Ben oui, écoute, quand je veux manger des céréales, j'ai ma boîte, là, puis j'ouvre le petit cellophane, puis je mets ça dans mon bol, mets du lait, mets du sucre, et c'est des céréales. Quand je veux du pain, je veux du pain. Je veux pas des céréales, moi. Veux-tu des grains de sésame? Sésame, ouvre-toi, mais dans le pain, je peux pas. Non, le chemin qui va s'ouvrir, c'est moi qui vais l'ouvrir. S'il me reste encore des bras, sinon je prendrai dans le sac à dos le bras que je pourrais, puis j'ouvrirai le petit pain. Ouais, mais ton petit pain, le veux-tu fourrer? Fourrer? Je le sais, quand je vais arriver à la caisse, je vais me faire avoir. Ça coûte un bras de faire ça. Puis si je fais ça à la maison, ça dure à peu près 48 heures. Le petit verre d'or t'arrive, là. Le petit verre d'or, t'es tellement content. Il est dans le milieu du pain. Quand tu le fais maison, là, il est dans le milieu du pain, puis là, il a sa montre, lui, là. C'est pas une montre d'insignifiance. Non, c'est du numérique, ultra-numérique, là, puis quand ça bluetooth, et là, il commence à se propager, pouf, ça devient vert de partout. Mais, attention, ce pain-là, c'est du pain sérieux, là. C'est du pain qui se prend au sérieux, c'est comme, vous voulez du pain biologique, fait avec la farine biologique, de l'eau biologique. Avez-vous le portefeuille biologique? Ben là, écoute bien, j'ai 50 cents. Combien de tranches de pain? Ben, ça fonctionne pas par le nombre de tranches de pain, là. 50 cents, tu peux rien avoir. Un bon pain biologique qui se respecte, là, c'est au moins 25-30 piastres. Ben ouais, qu'est-ce que tu mets? C'est pas de la farine, c'est de la hein? C'est quoi? Tu sautes du coq à l'âne? C'est de la coque à... C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que tu veux me faire manger? C'est le corps à qui? Parce que là, t'as du pain, c'est mon corps, hein? Ceci est mon corps, c'est le corps à qui? C'est du sataniche? C'est du sataniche? Ah, une miche! Comment ça me coûterait une petite miche? Pas une grosse miche, une petite. Moi, j'aime bien ça, une petite miche, moi. Ah oui. Bye, Bélon! Sous les flots! Delta Line. De Pamir Line. Non, c'est pas de Cadillac. De Cadillac. Hey, madame, l'eau, ça va bien. Hey, tu t'en sortiras pas ce soir, là. Tu vois, tu sais, c'est l'émission de cinglé que j'aime écouter, moi. Je me place mes écouteurs sur le nez. Ça rentre par les, hein, les trous de pète. Des trous de toupettes, et yes, alors, oh, du plaisir à volonté. Là, c'est pas comme des mets. Tu sais, quand tu t'en vas dans un restaurant, c'est déjà louche quand on dit mets à volonté. Là. Je me sens un peu comme le gars devant 5-6 artilleurs. Dit, ah, le feu à volonté! Monsieur, tu sais que tu vas en prendre une, là. Hey, c'est des gens là, qui ont la lentille facile, là, qui ont les risques aiguisés, là, qui ont le focus, qui savent très bien. Tu vas partir. T'es un pigeon d'argile. Vous savez, quand vous êtes en amour, vous dites à votre concubine, « Ah, mon pigeon. Ah, mon pigeon, c'est beau, mon pigeon. » À la fin d'une relation, c'est « Mon pigeon d'argile m'a tiré! » Non, c'est très violent, très violent. Monsieur Poirier, très violent. Venez nous voir. Bon, vous oui, c'est à l'imo... Exact. Oui, c'est en direct. Tombez pas en deux. On est là. Jusqu'à deux. Du mat. Si... OK. Parfait. Merci. On peut pas l'entendre, mais non, mais moi, j'ai l'oreillette. J'ai le petit bouchon. J'ai un petit bouchon dans l'oreille. Puis on m'envoie des affaires. On m'envoie des instructions. Il y a des je peux parler au téléphone avec ça, mais vous autres, non. C'est juste moi qui... C'est ça, la vie, hein. C'est aussi troublant que ça. On peut aller plus loin, là. Bien plus loin, là. Vous voulez savoir, vous voulez entendre à quel... Hein? On peut. Oh! On est capable. On est capable. Wow. Ah, ça va bien. Oh! Ah, monsieur! C'est ici qu'il est né. C'est pas normal, tu sors ce soir. Ça commençait ça, hein? Ça commençait comme ça. Une œuvre de Frank Zappa. Aujourd'hui, le... Hein? Quand même, on explore. C'est ça, défricher. C'est ça, faire un chemin. C'est ça, essayer de tâtonner la musique. Et puis ce soir, là, nous sommes gâtés. La semaine prochaine aussi. Doublement gâté. Nous nous offrons de la musique à plein régime, dans un registre aussi enrichissant que ce que nous venons d'entendre depuis le début. Oh, c'est sérieux, là. Je sens que Mémé a arrêté de tricoter. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ça va très bien, là. Ça va très bien, là. Votre pain est au four. Quand vous allez sortir, c'est chrono, hein, c'est 48 heures, ben ça, le verre, putain, monsieur, hein, c'est pas comme le fromage, oui, je tiens à vous dire aussi avant, là, avant d'annoncer mon invité, que c'est pas comme le fromage, hein. Plus c'est vert, meilleur c'est, non, le pain, là, Vous dites qu'il s'est trompé, mais non. J'ai voulu faire une aparté. Histoire de susciter le party. Yes, aparté, party. Restez là, non, non, non, party, P-A-R-T-Y. P-A-R-T-Y, la fête, la surboom, là. Party, party, wouh, partout, wouh. Pas allez-vous-en, là. Dehors, mon public, dehors, mon public. Non, non, non, restez là. Je recommence. Je suis un bon élève. La preuve. Thank you. Kansas City. I paid dues, Kansas City. I ain't gonna pay them no more. Out of here, Kansas City. I wanna let you know that it was wrong how y'all treated your son. Hey, Kansas City. Such a penny-ante city to be from. Goodbye, Kansas City. I'm so high, Kansas City. I ain't gonna come down again. Showed you, Kansas City. I finally played in the way that you said no one could ever play. Hey, Kansas City. Such a dynamite little city to be from. Laissons, j'ai un blanc. On place ou on laisse? C'est ça la question. Pas facile, hein? Est-ce que je laisse? Est-ce que je... Laissons qui? Laissons les glaçons germer. Mais au mois de février, ça germe pas, ça fige. Thank you. chèvres folles. Dans les bistrots, on pense plus, on se console. Il est trop tard, comme tous les soirs. Je suis seul avec toi. She's the darkness. Hey! Eh ben oui, je suis très heureux de vous proposer un groupe Paris Combo. J'ai invité le leader David Lewis. Alors, bienvenue dans cet univers musical des plus uniques Paris Combo, David Lewis. les jours autour d'un joli petit tabac-jour. Nous unissons nos forces vives, crayons d'une même voix active. Ah non, là, on en a marre. Nous, on te dit qu'on en a marre. En toute conscience, on en a marre. Pour nous, la vie est un cauchemar. De faire les chants, de chanter, qui Alors, dans ce concert, oui. En fait, il y avait trois chanteuses, oui. Carmen Maria Vega, que vous connaissez peut-être. Ben oui. Elle est explosive, plus... hein? Oui. Marginale. Oui, peut-être, je ne sais pas si ah, elle est marginale. Ah oui, ben oui. Mais elle est unique. Peu commune. Unique. Ah oui, unique, oui. Il y avait Billy, qui est une chanteuse basée à Lyon, qui est formidable, okay. Qui a fait quelques disques solo aussi. Aurore Walke, qui est une chanteuse de jazz et violoniste formidable. Et Manu, l'ancien bassiste, qui était aussi chanteur dans le groupe à l'époque. Okay. Donc avec cette équipe de base, on a fait pas mal de chansons ensemble, dans les nouvelles. Et après, il y a eu plein de gens qui venaient chanter une chanson. Ah, ouais, et je préfère vous envoyer la liste par mail, parce que sinon je vais me planter, je vais oublier quelqu'un. Ah, il y oui. avait au moins une dizaine de personnes qui... Ah, c'est fou. Et il y avait des gens... il y avait, par exemple, Oleg Skripka, qui est un chanteur ukrainien, qui ouais. était de passage, en fait. Qui avait beaucoup chanté avec nous en co-plateau au début de la carrière du groupe. Okay. Parce qu'il avait un groupe qui était ici à Paris à l'époque. Il y avait Brad Scott, ouais. Nicolas, plein de monde. Mais si j'ai votre mail, je vous envoie oui. la liste, parce oui. que okay, bon, sinon oui. je vais oublier quelqu'un. Ah, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais la mort de cette incroyable femme... était prévisible, donc avez-vous préparé l'album dans l'urgence? En fait, il était fini. Ok. Il était... elle le savait? Oui, elle avait écouté, pré-mixé, ou mixé. Donc, non, mais c'est une catastrophe. Oui. Et, mais après, c'est vrai que... oui, on n'a pas été explicite sur le fait que le groupe s'est arrêté, mais en fait, je pense que dans ça ne peut pas continuer sans... Non, non. Et il y a des gens aussi qui ont interprété le fait qu'on fasse un concert en hommage comme une continuation. Ouais. Mais bon, c'est pas possible. Une continuation, c'est un hommage. Ouais. Et c'est, ça. Ceci dit, j'aimerais bien que j'aimerais vivement que les chansons continuent à vivre. Donc en fait, ce qu'on a entrevu avec cet hommage, c'est que ça qui est vraiment incroyable, c'est d'entendre des chansons dans la bouche de quelqu'un. Ah ouais, ça c'est incroyable. Ouais, ça donne une nouvelle ah ouais. saveur. Et c'est... en fait, déjà, quand le public chante la chanson, ça c'est ouais, génial. C'est nous, on a eu ce plaisir-là avec certaines chansons. Il y a ça, et après, interprété par d'autres, en fait, c'est là où la chanson prend toute sa, presque tout son sens, parce ouais, qu'il y a la transmission, et là, il y a tout le monde, quoi. Et pareil avec le public. Et là, il y a une chanteuse, Aurore va reprendre une chanson dans son prochain album. Aurore Walke. Belle lui avait écrit une chanson aussi, un texte. Donc oui, c'est important aussi qu'il y ait cette transmission. Ouais. Ouais. Mais toi, éventuellement, est-ce que tu veux reformer un autre groupe ou faire cavalier seul? Bah, moi, pour l'instant, je pense que de toute façon, dans les médias, j'ai besoin de peut-être même penser à d'autres projets, inventer des choses. Pas pour tourner la page, mais juste pour faire un peu une pause. Parce que là, depuis un an et demi, j'étais que dans la sortie de l'album. Et vous avez entendu parler de l'album, pas, c'est les attachés de presse du pas Six du Degrees, tout. Non? Pas du tout, c'est en faisant mes propres recherches. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bien. Ah oui, ben oui, mais ouais. C'est la curiosité aussi. Ouais, ouais. Mais votre disque, donc, vous voulez qu'il soit écouté parce que c'est le dernier, entre guillemets, un des derniers disques que vous... Ouais, c'est beau. Ouais. Bah c'est ce sera le dernier disque studio du groupe, oui, ça c'est sûr. Et puis dans quoi tu veux te diriger après? En fait, ce que j'ai commencé à faire là, il y a un spectacle théâtral qui se monte là. C'est des choses aussi que je faisais beaucoup avant que je sois complètement investi dans le groupe. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi des musiques de films aussi. Ah, c'est bien, c'est la musique de film. Ouais, moi je suis improvisateur, je joue du jazz aussi un peu comme ça en freelance, mais aussi je pense qu'il convient aussi d'imaginer des projets personnels ou en mettre son propre empreinte. Oh oui. Mais pourrais-tu faire un disque sous ton nom? Ça serait bien. C'est un beau projet? Oui, ouais, ça serait bien. En plus, ça pouvait quand même lancer ton côté soliste, ça pouvait amener d'autres choses. Oui, mais vous avez raison et je pense qu'il faut faire ce saut dans le vide. Oui. Ouais, parce que j'ai passé 25 ans de mon existence, de notre existence. En plus, Belle, c'était mon épouse et la mère de nos enfants. Ah oui? Oui. Oh. Oui, donc en fait, c'est pour ça que quand je parle de un saut dans le vide, c'est... Ah, je comprends. Ouais. Mais vous avez raison, hein, c'est... De toute façon, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que... Il n'y a que de musique qui nous porte, nous élève, en fait. Ouais. Qui nous tient en vie. Ouais. Je pense que aussi quand on est musicien, on a ce côté aussi technique qui parfois fait qu'on ne réalise pas à quel point que ça peut être quelque chose d'un soutien. Mais c'est quand même assez incroyable. J'ai eu l'occasion, là, je dis ça en passant, j'ai remplacé un trompettiste dans un groupe qui est chouette, qui s'appelle Zoufri Maracas. Vous connaissez ça? Ah, c'est un groupe parisien ou français. Zoufri Maracas. Zoufri Maracas, très beau. Ça me rappelait un peu de notre ce projet de combiner de textes et des musiques de tous les horizons. Oui, mais c'est bien ça. Ouais. C'est bien. Mais c'est de plus en plus comme ça. Hein. Et ça fait bien de rencontrer d'autres beaux projets. Ouais. Est-ce que tu as été approché pour jouer dans le groupe? Non, mais c'était en remplaçant. Mais ce que j'ai fait avec plaisir aussi. Ouais. Ouais. Mais donc, toi, ce que tu veux, c'est que l'album soit bien accueilli, se rende aux oreilles des gens. Ouais. Puis après ça, ben, tu vas travailler sur ton propre matériel. Tu vas aller De toute façon, moi, j'ai... Est-ce que tu vas enseigner aussi éventuellement? Non, moi j'ai pratiquement jamais fait ça, donc et ça m'a pas été proposé. Donc, moi je pense que de toute façon la transmission ça se fait naturellement. Oui, il y a plein de manières de le faire. Pas l'enseignement pur, moi ça n'a pas été trop. J'ai pas eu trop cette opportunité. Thank you. Non, non, là, il y aura, j'espère, j'espère qu'il y aura quelque chose à Bourges qui était le... Ouais, le printemps de Bourges, c'est ça? Peut-être. Mais bon, il n'y a rien de confirmé. Et ce serait comme c'était le terre natale de Belle. Ouais. Donc, ce serait un retour aux sources? Oui. J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Pardon? J'ai 10 questions avant, j'ai 10 questions de la fin. Dix questions. Oui, c'est ça, c'est des questions ludiques. Ouais. Si tu étais un liquide. Liquide. Pour rigoler, j'ai envie de du vin. Ouais. Du vin rouge. Lequel? Du vin rouge. Moi, mais lequel? Ah. En fait, un Beaujolais. Pas le Beaujolais nouveau, non, mais. Non, je trouve que c'est une attrape. Ouais, mais il y a des Beaujolais insoupçonnés qui sont très bons. Alors, ouais. Tu adores le vin. Ouais, toi aussi. Oh oui, ben oui, vin rouge surtout. Ouais. Si tu étais une ville. Une? Une ville. Une ville. Une ville. C'est un peu évident, mais Paris. Ouais. Quel arrondissement pour. Quel arrondissement, le 20e? 20e, oui. Ouais. J'ai vécu une douzaine d'années dans le 20e. À côté du Père Lachaise. Oui, dans ces cas. Ouais. Bon, en fait, c'est très voisinant, très riche. Il y a beaucoup de musique dans le 20e. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue. Le suédois, parce que c'est ma troisième langue. Okay. Ta première langue, c'est anglais. Ok, l'anglais, français. Français, suédois. Ouais. Mais j'ai une affection. En particulier pour le suédois. Puis on dit aussi que le Québec ressemble un peu à la Suède. Oui, oui, ouais. C'est vrai. C'est un côté, je pense que c'est un côté très posé, Bah, comme c'est une capitale administrative, ouais. Ouais. Il fait froid. C'est, oui, il fait froid. De moins en moins avec, avec le réchauffement. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu étais une époque, si tu étais une époque. Une époque. J'ai envie de dire. Bah, je pense les années 30. Bah oui, ça va être la musique de partout. Ouais, en fait, j'aime bien le 19e siècle, mais il n'y a pas encore le jazz. Non. Donc, c'est ça. Ou tu pourrais défricher, hein, tu pourrais l'amener. Si tu étais un mot. Hein? Un mot. Un mot. Un mot. Oh, c'est dur. Il y en a tellement, hein? Il y en a tellement de mots. Ouais. Bah, je pense qu'on a tous envie d'être. C'est un cliché, mais l'amour, en fait, est ça veut dire beaucoup de choses. C'est la vie, c'est l'autre, c'est. Même s'aimer soi-même, c'est très important. Bon, il y a peut-être plein d'artistes qui ont dit ce même mot, mais je pense que c'est incontournable. Ouais. Si mon amour était comme un petit ruisseau, on aurait bien envie d'aller se mettre à l'eau, de patauger au gré de cette onde joyeuse, se disant mais mon Dieu qu'il est doux d'être amoureuse. Oui mais mon amour est un orage qui fait chavirer en moi tout ce bel équipage. Oui mais mon amour est un naufrage, car dans mon âme souffle le vent du large, le vent du large. Comme un petit oiseau bleu, il volerait de bonheur en petit bonheur, ne se lassant pas de gazouiller à toute heure. Mais mon Dieu, mais qu'il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux d'être amoureux. Oui, mais mon amour est une buse, un grand rapace qui plane au-dessus de ses muses. Oui, mais mon amour est un carnage, car dans mon âme souffle le vent du large, le vent du large. Comme une image, deux anges passant par là, étonnés et curieux, je dirais mais mon Dieu quel ennui d'être amoureux. Oui mais mon amour est infernal, là où l'on cherche le bien on y trouve le mal. Oui mais mon amour est infernal, car dans mon âme souffle le vent du large, le vent du large. Tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment? Ouais. On va dire une truffe. Ah oui, c'est vrai. C'est super bon. Si tu étais une saison. Hein? Si tu étais une saison. Une saison, l'automne. Ouais, c'est moins chaud. moins chaud, mais c'est pas encore l'hiver. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Oh, ouais. On se prépare tranquillement. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Ah ouais. Ouais. Bah, la main. Parce que le piano, la trompette. Ouais. Et toi, tu joues du piano aussi. Oui, ouais. As-tu commencé avec le piano? Avec quel instrument tu as commencé à jouer? Quel était ton premier? Le piano, en fait. Ouais. Classique? Ouais, classique, ouais. C'est piano, après, bon, là, dans cette ville, on jouait des flûtes de bec aussi, mais c'était très pris très au sérieux. Il y avait des ensembles, après la clarinette, et après le cornet dans un fanfare à l'école. Ouais, c'est très structuré. En fait, c'est une manière de amener la musique dans l'école partout, que je trouve c'est dommage ici, il n'y a pas ça dans l'école, peut-être au Canada, mais... Au Québec, oui. Et c'est un peu compartimenté, ils vont au conservatoire, etc. Bon, ils n'ont pas cette ouverture-là avant d'aller au conservatoire, donc ils ne pourront jamais savoir s'ils ont de l'affinité. C'est ça, c'est le fait de s'essayer. Oui, c'est ça, vérifier, voir ouais, si... Parce que parfois, le fait de tomber amoureux d'un instrument, c'est irrationnel et immédiat. Ouais, effectivement. Donc c'est pas en remplissant une formule. Puis on peut se rendre compte aussi qu'on aime moins cet instrument-là, donc on a fait ça pour nous. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent au conservatoire, puis c'est très contingenté le conservatoire, comme n'importe qui. Ouais. Donc, si tu commences déjà à l'âge de 3-4 ans, ben c'est déjà bien parce que tu as déjà une base. Oui, tout à fait. Si tu étais un autre individu? Un autre individu? Bon, j'ai choisi la facilité, mais... Pas quelqu'un de précis, mais puisque j'ai choisi les années 30, quelqu'un qui était vivant dans les années 30. Ouais. Et j'ai pas une idée d'une personne en particulier. Non. En fait, j'ai pas ce réflexe de m'imaginer quelqu'un d'autre. Non plus. Ouais. Mais c'est bon parce que ça prouve que tu es bien avec toi. Bah, j'ai pas le choix. En plus. Moi, c'est, À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui. Ouais. Même avec les errances. Mais ça nous construit aussi les errances. Pardon? Ça nous construit aussi les errances. Bah, ça m'a amené ici aujourd'hui. Oui. Devant vous, donc devant toi. Donc, après, je pense que. Et de toute façon, les erreurs, c'est facile à les reconnaître après. Oui, mais, puis on grandit de nos erreurs aussi. Pardon? On grandit de nos erreurs. Ah, carrément. Ouais. Sans erreurs, on n'avance pas. On ne progresse pas. C'est vrai. Il ne faut pas les refaire par contre. Là, mais... Il ne faut pas les refaire par contre. Là. Il faut éviter, C'est ça. Ouais. Et tes projets dans les mois et les années à venir, c'est de poursuivre? C'est poursuivre... Ouais, mais après ce qui nous était arrivé, forcément différemment aussi. Mais bon, après, je crois que quand on perd quelqu'un, et on perd aussi, il y a tout le monde qui s'en va, on réalise aussi la préciosité de ce qu'on a. Donc, c'est de... En tout cas, la musique, pour moi, est précieuse. Ouais. C'est un refuge? Pardon? C'est un refuge? C'est aussi un refuge, aussi. Mais de manière aussi très physique. Tu vois, par exemple, la trompette apporte une forme de consolation. Ouais. Dans juste le fait de jouer l'instrument et de faire vibrer, de faire vibrer l'air autour. Et les gens aussi, parce que la trompette donne quand même quelque chose d'assez intense lorsqu'on l'écoute. Ouais. Carrément. Et... aucun doute. C'était un lion, c'en était un qui s'était peint un bel avenir sans effusion de sentiments, sans confusion, sans effusion, c'était un lion. C'était un lion, c'en était un, jamais deux, c'en était un, jamais doux, seulement câlin, avec ses proies, qu'il adorait sans perdre son sang-froid. Miles Davis était un de ces grands-là qui maîtrisait la trompette comme un dieu. Ouais. As-tu des gens que tu suis de près, des trompettistes qui t'ont influencé ou qui t'influencent aujourd'hui? Mais il y a un en particulier, bon, il n'est plus là non plus, c'est Lester Bowie. Ouais. Qui pour moi était... Je crois que c'est celui qui m'a le plus... En fait, je ne joue pas comme lui, mais c'est l'imagination qu'il avait par rapport à son instrument. Ça m'a énormément marqué. Et c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement imaginatif. Et il amenait ça à son approche sur son instrument. Et je l'ai entendu une ou deux fois live. Et c'est vrai que c'est créé une sorte de planète avec. Et c'était pas quelque chose de. C'était très ouvert et très. Je sais pas si tu l'as écouté toi en live. Ouais. Ouais. Ouais. Et, c'était marrant. On dirait presque quelqu'un, un non-trompettiste, mais qui imagine. il avait un grand recul, lui, par rapport à lui-même, ce qu'il faisait. Et j'ai eu le grand plaisir de le rencontrer aussi. Et c'était quelqu'un de charmant et très humain. Alors, on peut dire qu'il t'a influencé, d'influence. Pardon? Est-ce qu'il t'a influencé? Il m'a influencé dans l'approche de l'instrument et de la musique. Après, il y a d'autres trompettistes qui probablement m'ont influencé plus directement, comme Clark Terry, par exemple. Après, c'est souvent qu'est-ce qui correspond plus à toi et déjà ta manière de jouer. Et souvent, tu vas aller vers ça parce que c'est... Ça t'appelle et peut-être ça te touche aussi. Il y a un album de duo trompette piano Clark Terry et Oscar Peterson que j'ai écouté quand j'étais dans les années 70. Je crois qu'il y a des choses qu'on écoute autour de 17-18 ans, nous marque de manière complètement indélébile. C'est indélébile. Ouais. Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique? En fait, je me dis que j'écoute pas assez. En même temps, je reste curieux et c'est un peu les projets et les recherches et qui m'amènent à écouter. C'est pour le loisir. C'est pas tellement pour le loisir en fait, mais c'est néanmoins un plaisir. C'est curieux. J'écoute pas la radio par exemple. Je suis pas quelqu'un qui met la radio à la maison. Tu mets un disque. Je mets un disque ou je vais jouer de la musique. Fais toi-même ta musique. Alors, on te souhaite un album, on te souhaite des rencontres intéressantes. Merci et merci d'être venu jusqu'ici, jusque moi. Ça fait plaisir. Et le radio, en fait, je regardais un peu sur Internet, c'est une radio communauté associative. C'est la première radio communautaire francophone au monde. Ah oui? Oui. Ah, d'accord. Alors, on a existé en 1974. Ouais. On est venu au monde en 1974. Ouais. Et on est parti à Paris dans les années 80 pour pouvoir transmettre ce que l'on faisait au Québec. Donc, il est né des Carbone 14, des Super Nana, des émissions. Ici, il reste Radio Libertaire. Donc, c'est nous qui avons montré le chemin de la radio communautaire en France. Ah oui, dans les années. Après Mitterrand, quand ils ont ouvert les. Dans les années 80. Et nous, on existait depuis 1974. Ah ouais. Donc, on avait déjà 6 années derrière nous. Comme les Français étaient curieux de savoir comment ça se passait, on s'est rendu ici transmettre. Ouais, c'est génial, ça. Et ça vient de chez nous. Ouais. La radio communautaire, la radio associative, ça vient de... les radios libres, ça vient de chez nous. Ouais. Et plus précisément de Québec, et encore plus précisément, c'est CKRL. C'est génial, ça. Oui. Et là, tu restes combien de temps à Paris? Je m'en vais mardi. Je quitte pour... aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on est jeudi. Je m'en vais mardi. D'accord. Alors, on est jeudi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et moi, je pars en Australie samedi. En Australie? Oui. Pour? Pour 6 semaines de vacances. J'amène les enfants, entre guillemets, parce que... Mais ils sont grands, tes enfants? Ma fille a 21 ans. Bah oui. Et elle va rester sur place à un an. Donc elle va rester, il y a de la famille là-bas et elle va faire une année de sabbatique et travailler. Elle est étudiante ou elle travaille? Elle est étudiante? Elle a fait une licence ici à Paris, en communication. Ah oui? Peut-être elle fera de la radio. Ou même elle pourrait t'aider à mousser ton travail. Oui, mais c'est vrai que, en fait, déjà avec le groupe, elle a grandi quand même dans cette ambiance. En plus, elle chante et elle compose des chansons aussi. Mais pour l'instant, ça c'est un peu en stand-by, mais elle a grandi dans une ambiance musicale. Alors, tu as juste un enfant? Non, il y a Notre garçon, il a 14 ans et demi. Ah, ok, donc, là, ouais. Là, c'est un ado. Oui, et du coup, lui, on va revenir ensemble à Paris. Après 6 semaines de beaux voyages. Ouais, ouais, ouais, voilà. Bienvenue dans le train de l'ennui, le train qui ne déraille jamais sur ses voies de fer. Tout commence petit, déjà tout petit. Petit à petit, l'ennui grandit. Mais attention, il ne faut pas confondre un embryon de sympathie avec un manque d'appétit. Petit, petit, cet appétit de pivoleuse. Et voilà l'envie de vivre. Se déguise, alors bientôt une humeur se glisse, on envie son voisin, on devient complice. Et déjà l'air est vicié, toute méchanceté vient à point nommé. Même moi, je tuerais pour une chaise sur laquelle me hisse en divinité. Que de vanité, de vulgarité, et on n'hésite pas, on égare. On se rend compte enfin qu'on n'est pas là pour se faire emmerder par l'état, par des tas de choses sans importance. Alors on danse, oui, on danse, tous en cadence, on danse. Allez, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Je te souhaite un très beau voyage. Ben, merci. Et je te souhaite encore mes sympathies. Oui, mais merci. Oui. C'est vrai que c'est pas. C'est compliqué aussi de parler de la femme. Je pense que c'est. Oui, c'est difficile. En même temps, on a la chance d'avoir ce dernier album qui était composé enregistré en extremis. Oui. Mais rapidement, parce qu'on savait que ses jours étaient comptés. Non, pas tellement. Elle savait. En fait, elle a. Elle le sait à la dernière minute qu'elle en fait, ça a été déclenché très rapidement. Et, en combien de temps entre les diagnoses et son décès, 6 semaines. Oh. C'est Alors, c'est dur à prendre, c'est dur à accepter quand c'est aussi rapide. Ah oui, c'est, je pense qu'il faut longtemps pour réaliser même. Est-ce que tu t'en es remis ou on s'en remet jamais? Moi, je pense que... C'est une blessure. Je pense que la réponse, c'est que... c'est qu'on ne s'en remet jamais, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas sa vie et que... Ouais. On traîne avec soi. Voilà, c'est quelque chose qui, après qu'on... ça devient une partie de toi, en fait. Ouais. Mais bon, ça va, avec les enfants, on s'en sort. Et... Ouais. Il faut dire aussi que tes enfants doivent t'aider. Tes enfants doivent te supporter. Et vice-versa, ouais. Mais c'est vrai que ça va dans les deux sens. Comment tu vas le monter, le passer en interview à l'antenne? Tu me diras en fait. Oui. En fait, en revenant, peut-être même dans l'avion, je vais dresser un peu là, mon horaire parce que la rentrée. Ouais. Donc ça joue entre Là, on est au mois de juillet. Première rencontre du mois d'août jusqu'au l'année prochaine en juin-juillet. Donc, ma programmation, c'est entre août et juillet l'année prochaine. Ouais. Donc, à travers ça, je vais... Comme là, je ne sais pas combien de temps j'ai fait avec toi, mais si j'ai fait 45 minutes, ouais. Ben moi, je fais aucun montage. Ah, tu fais pas de montage? Pas de montage, ah ouais, non. Ah ouais, d'accord. Non. Et je fais à peu près 8 minutes de micro avec une chanson. 8 minutes de micro, une chanson. Ah oui? Ah oui. C'est long, en fait. C'est... Ben, l'émission, c'est long. L'émission, il dure combien de temps? 2 heures. Mais 60 minutes heures. D'improvisation, ça, c'est la première, le premier volet. D'improvisation? Oui. Avec les musiciens? Non, avec les mots. Ah oui, c'est toi? Oui, c'est moi. Ah oui, d'accord. Et après ça, c'est 60 minutes de rencontre parisienne. Oui, oui. Alors, comme notre rencontre peut faire 2 ou 3 semaines. D'accord. 2 ou 3 semaines. Je te dirai le moment. Ah, donc 2 ou 3 semaines? Non. Elle va durer 2 à 3 semaines. Ah, d'accord. Oui. Alors, ça ne sera pas dans 2 ou 3 semaines. Ah, d'accord, c'est important. Ah oui, oui, oui. Ouais. Puis je vais essayer de faire un survol aussi de la musique du groupe. Donc ce ne sera pas juste cet album-là. Oui, oui. Je veux aussi amener... Et tu as accès à tout? Non, mais je vais le découvrir. Parce que tout est sur Spotify. Ouais. Mais si tu veux, si tu as besoin de fichiers, je peux t'envoyer aussi. Ok, parfait. Ouais. Ouais. Ah, puis là, tu voulais que je te laisse ton courriel, mon courriel, hein? Oui, oui, okay, ce serait bien. Ouais, ouais. J'ai essayé de bien écrire, mais je te le dirai comment. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, ok. Alors, c'est Rénal Québec. Rénal Québec sans accent aigu. Ok, oui, à commercial, super. hotmail.com. Super. Bon, écoute, c'est très original le format. Oui, ben oui. En fait, ce qui est bien sur cette radio, c'est qu'on a vraiment la carte blanche. On peut faire ce que l'on veut. Ouais. On est libre, donc on n'a pas de barrière, on n'a pas de censure. Ce qu'il faudrait, c'est que quand je sais quand est-ce que ça va être diffusé, que j'informe le label. Oui. Pour que. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que le vinyle, les gens peuvent le commander directement. Oui. C'est, ça vient de Paris. OK. Mais pour le label américain, je pense qu'il distribue en Canada, mais qu'il sache. Parce que si, en plus, si vous faites plusieurs volets, gens vont. Ça va peut-être. Ah, ben oui. Mais moi, j'envoie toujours mon horaire aux invités que j'ai reçus. Ouais, donc, ouais. Tu vas avoir mon horaire à la fin du mois. Oui, d'accord. Okay. Au pire, au début août. Mais à la fin du mois, il y a des chances. D'accord. Okay. Donc, tu vas savoir très bien à quel moment ce sera diffusé, puis tu vas pouvoir en parler. Puis je t'envoie tout ça. Je t'envoie aussi le lien de l'émission. Soit tu le gardes, tu mets ça sur un site Internet ou dans les archives. Oui, carrément. Alors, comme je dis souvent, à la revoyure. Oui, à la revoyure. Mais un jour, si je suis à Québec, je te... Oui. Mais là, tu as mon courriel, donc tu peux... Oui, c'est super. Puis, Et toi, tu fais ça depuis combien de temps? L'émission, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, mais j'ai arrêté. C'était pour l'émission d'été. Ça s'appelait Citron et Limonade, mais le titre était déjà fixé. Donc, j'avais pas le choix du titre. Et j'avais mon émission le vendredi. C'était la chanson francophone. Ouais. Mais mon émission à moi, je l'ai depuis 17 ans. J'ai fêté ma 800e émission il y a un an et demi. 17 ans, depuis 2004? Non, 2006. Ah, je ne veux pas compter... 17 ans, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Ouais. Et donc, j'ai souligné mon 800e avec une émission spéciale qui a duré 6 heures. Ouais, ça fait à peu près un an et demi. Ouais. Donc, on poursuit, on rencontre des artistes tout azimut. Ouais. Des comédiens, des chanteurs, des chanteuses, des groupes, des peintres, des... C'est super ça. On voit vraiment la création à l'état large, pas vraiment... Ouais, c'est ça qui est bien. En fait, quand nous, on a commencé dans les années 90, alors je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que les choses étaient beaucoup plus mélangées. Ah oui. Mais j'ai l'impression que l'Internet a amené une compartimentalisation. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis plus vieux. Non, c'est vrai. Mais en fait, tout le monde faisait tout avec tout le monde à l'époque. Et oui. Ils sont... tu vois, par exemple, En 93, j'ai fait une émission de télé à Paris sur le 3 avec Manu Dibango, qui s'appelait Salut Manu. Ok, c'est bon. Bah, en fait, il a invité des chanteurs de variété. Il y avait des artistes africains comme Youssou N'Dour ou autres, oui. Des hip-hoppers de banlieue parisien ou de Paris. Il y a des artistes plus world music, il y avait un tout. Et en fait. Et ça va bien, hein. Et c'était. Alors peut-être l'émission de Manu Katché était un peu dans le même. Il y a une tentative de faire quelque chose d'assez ouvert aussi. Mais là, c'était quand même tout azimut. Et ouais. C'était bien. Hein. Ben oui, c'est bien. Ben oui, il ne faut pas non plus toujours se contingenter. Il faut voir, il faut voir l'art. Ouais. Ah, mais merci encore. Hein. Ben, merci à toi. On finit avec un solo de Dire Straits. Ah, oui. Ouais. Tu restes là ou tu. Ben moi, je dois aller. Oh non, j'ai des photos, c'est vrai. Là-bas juste un peu plus bas. On verra, on verra, on verra. On revient bien